Quand Jésus promet le bonheur. Beaucoup de gens viennent écouter Jésus. Ils ont entendu parler de tout le bien qu'il fait. Jésus leur dit des paroles extraordinaires, les béatitudes. Dans le royaume de Dieu, vous trouverez le bonheur. Vous serez joyeux pour toujours. Heureux ceux qui font la paix, ils sont les enfants de Dieu. N'ayez pas peur, Dieu vous aime. Les gens se posent des questions. De quel royaume parle Jésus? Où est-il? Qui y habite? Jésus leur explique tout cela avec des paraboles. Il raconte de très belles histoires. Le royaume de Dieu, c'est comme un trésor, le plus beau et le plus précieux de tous les trésors. Il n'est pas caché dans un coffre-fort, il est dans le cœur de tous les hommes. Pour le trouver, il faut découvrir les merveilles du cœur des autres. Jésus dit : Vous critiquez tout, vous dites du mal des autres. Regardez d'abord le mal que vous faites, vous. Et essayez de devenir meilleur. Le royaume de Dieu, c'est comme une toute petite graine de moutarde plantée dans un champ. Elle grandit et devient un arbre solide où se posent les oiseaux. Un semeur sort pour semer. Il laisse tomber des graines au bord du chemin. Les oiseaux se régalent. Des graines tombent sur une pierre. Elles sèchent et meurent. Des graines tombent dans des ronces. Elles sont étouffées. D'autres graines tombent dans la bonne terre. Celles-là poussent et donnent de très beaux fruits. La parole de Dieu est comme cette graine. Il faut l'accueillir dans son cœur et la laisser grandir. Un homme demande à Jésus : Comment savoir qui il faut aimer ? Jésus raconte alors cette histoire. Un jour, sur la route, un voyageur se fait attaquer par des voleurs. Ils le battent, le laissent presque mort. Des gens du pays passent à côté de lui. Ils le voient, mais personne ne s'arrête pour l'aider. Un étranger, un Samaritain, arrive et s'arrête. Avec tendresse, il soigne le blessé et le conduit dans une auberge. Alors, qui a vraiment aimé le blessé? L'homme comprend qu'il doit aimer ceux qui en ont besoin, les amis comme les étrangers. Dieu est comme un berger qui a 100 brebis. Un jour, il en perd une dans la montagne. Il laisse alors toutes les autres pour aller la chercher. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules et il revient à la bergerie pour dire à ses amis : Soyez joyeux avec moi ! J'ai retrouvé ma brebis perdue ! Une vieille dame compte ses pièces d'argent. J'en ai perdu une ! Aussitôt, elle allume toutes les lampes de sa maison et elle balaie partout. La voilà, je l'ai retrouvée. Elle appelle vite ses voisines. Venez faire la fête chez moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Un homme a deux fils. Un jour, le plus jeune lui dit : Papa, je veux partir de la maison. Donne-moi ma part d'argent. Loin de chez lui, il dépense tout en faisant des bêtises. Quand il a dépensé tout son argent, il se retrouve tout seul. Il est triste. Il a faim. Pour gagner de quoi manger, il garde les cochons dans les champs. Il se dit : Je vais retourner chez mon père pour travailler comme un ouvrier. Au moins, j'aurai du pain. Au bout du chemin, le père voit son fils. Il court à sa rencontre et le serre dans ses bras. Mon fils, je t'attends depuis que tu es parti. Te voilà enfin. Je n'ai jamais été aussi heureux. Venez tous vers la fête, crie le père. Mon jeune fils est de retour. Mais le fils aîné fait la tête. Ce n'est pas juste. Moi, j'ai toujours obéi à mon père et on n'a jamais fait de fête pour moi. Son père va le chercher. Tout ce que j'ai est à toi. Tu es avec moi tous les jours et je t'aime. Aujourd'hui, viens faire la fête avec nous. Le royaume de Dieu est comme celui d'un roi, juste et bon. Un de ses serviteurs doit lui rembourser beaucoup d'argent. Il se jette à ses pieds. « Attends encore un peu. Bientôt, je pourrai tout te rendre. Je te le promets. » Le roi est si bon qu'il accepte et le laisse partir. Peu après, ce serviteur rencontre un ami qui lui doit lui aussi de l'argent. Il l'attrape. « Paie-moi tout de suite ce que tu me dois. » Son ami le supplie. « Attends un peu. Bientôt, je pourrai tout te rendre. Je te le promets. » Mais le serviteur le fait mettre en prison pour l'obliger à payer. Quand le roi découvre cela, il est très en colère. Il punit le serviteur et le met en prison jusqu'à ce qu'il lui ait tout remboursé. Un père a deux fils. Il leur dit « Allez travailler dans ma vigne. »« Non, je n'irai pas. Je n'ai pas envie. » répond le premier. Comme il voit qu'il fait de la peine à son père, il part finalement travailler. Le second fils répond « Bien sûr, j'y vais !» En fait, il n'y va pas. Jésus demande à ceux qui viennent d'écouter cette histoire « À votre avis, lequel a fait la volonté du Père ?» Le royaume de Dieu, c'est comme un grand banquet qu'un homme riche organise. Mais quand le repas est prêt, tous les invités trouvent de bonnes excuses pour ne pas venir. Puisque c'est comme ça, dit l'homme, j'invite tous les pauvres, les malades et les aveugles à venir à ma table. Ce sont eux mes invités. Jésus dit, tous les hommes sont les invités de Dieu dans son royaume. Vous serez heureux quand vous répondrez à son invitation.